Les incohérences de l'opération Geronimo. Au-delà de la personnalité très controversée d'une actrice importante de cette histoire, l'histoire même de la découverte du refuge de Ben Laden puis de son attaque suscite de troublantes questions. L'histoire officielle, décrite à l'envi comme la plus grande chasse à l'homme de l'histoire, est la suivante. Après des années de recherches infructueuses, la CIA identifie un messager d'Al-Qaïda qu'elle suit à la trace jusqu'à une grande propriété située à Abbottabad. Les agents étudient pendant des mois cette propriété de l'extérieur et via des satellites. Il est impossible d'arriver à une certitude sur la présence de Ben Laden, mais ils estiment à 55% que c'est bien lui qui habite là sans jamais sortir. Il serait possible de bombarder la propriété à coups de missile, mais on ne pourrait alors pas avoir de certitude sur la mort de Ben Laden, et il faudrait compter avec des victimes collatérales. Le président décide alors audacieusement d'envoyer une équipe de 23 Navy SEALs à bord de deux hélicoptères Black Hawk. Une fois sur place, le commando trouve Ben Laden, est contraint de le tuer, et ramène son corps ainsi que ses archives et disques durs d'ordinateur. Quelques heures à peine après les premiers récits de l'opération, le service communication de la Maison-Blanche est contraint d'émettre des rectificatifs laborieux. Contrairement à ce qui fut dit dans un premier temps par le conseiller à la sécurité d'Obama, John Brennan, futur patron de la CIA, Ben Laden n'a pas engagé le feu contre ses assaillants. Il ne s'est pas abrité derrière une de ses femmes. Le président et ses conseillers n'ont pas non plus suivi en direct une vidéo de l'assaut. L'opération n'était pas filmée. Après la sortie du film Zero Dark Thirty, des sénateurs de la commission d'enquête sur les tortures ont tenu à préciser dans les médias que les tortures n'avaient joué aucun rôle dans la traque de Ben Laden. Ce que confirmera le rapport final de la commission. Les actes de torture pratiqués par la CIA n'ont jamais servi à rien pendant toute la guerre contre Al-Qaïda. Le volet le plus difficile à croire de toute l'histoire est que le président Obama, d'ordinaire si prudent, voire timoré, aurait autorisé un raid américain dans l'espace aérien pakistanais sans soutien au sol pour attaquer une propriété dont on ignorait combien d'hommes armés elle recelait. Le tout sans information ni garantie d'aucune sorte de la part des autorités pakistanaises censé tout ignorer de l'opération. Si on ajoute, comme le montre le film, que le premier hélicoptère se crache à l'atterrissage dans la propriété, les Navy SEALs ne se sont vraiment pas présentés sur le terrain en position de force. Rappelons qu'Abbottabad est une ville de garnison, l'équivalent pakistanais de West Point. La propriété de Ben Laden se trouvait à 3 km de la base militaire. Il ne fallait donc a priori que quelques minutes pour qu'elle soit cernée par les militaires et ou les policiers locaux. Quel que soit le courage et l'entraînement des Navy SEALs envoyés là-bas, si cette opération a vraiment eu lieu dans les conditions indiquées, elle ne pouvait guère durer moins de 30 minutes, dans les faits 40, et relevait plus de la mission suicide que du coup de main mûrement réfléchi. Le célèbre journaliste d'investigation Seymour Hersh a été le premier à contester la version officielle dans un article de la London Review of Books intitulé « L'élimination d'Oussama Ben Laden ». Son récit est basé sur le témoignage d'un ancien de la CIA à la retraite, recoupé auprès de deux consultants ayant travaillé pour le commandement des opérations spéciales. Les affirmations très graves de Hersh ne sont donc pas vérifiables par le lecteur, mais la rédaction de la London Review of Books affirme avoir interrogé elle-même ses sources avant de se décider à publier l'article. La première révélation de Hersh est que le fameux « messager » détecté et suivi par la CIA qui aurait mené les enquêteurs jusqu'au domaine d'Abbottabad est une pure invention. La CIA a tout simplement appris la présence de Ben Laden dans cet immeuble par un informateur, un ex-officier des services secrets pakistanais, ISI, Inter-Services Intelligence. Celui-ci aurait saisi l'opportunité d'empocher la prime de 25 millions de dollars offerte à toute personne permettant de capturer le chef d'Al-Qaïda. Selon Hirsch, Ben Laden se trouvait tout simplement en résidence surveillée sous le contrôle de l'ISI. Les implications sont énormes. Ainsi, les Pakistanais auraient, à l'insu de leur allié américain, mis Ben Laden sous cloche, à la fois hors d'atteinte des services occidentaux et coupé de tout contact avec les réseaux d'Al-Qaïda. D'autres journalistes d'investigation sérieux ont entendu parler de cet informateur. À l'exemple de Steve Cole, qui dirige maintenant l'école de journalisme de Columbia. Dans un article du New York Times Magazine, faisant suite aux révélations de Hirsch, il rapporte une conversation qu'il a eue avec un agent du renseignement américain. « Vous connaissez ce type ?» L'officier en retraite de l'ISI ?« Oui, je le connais, j'ai travaillé étroitement avec lui. » « Est-ce que cette bio de lui qu'on m'a fournie est exacte ?»« Oui, elle est exacte. » « On m'a dit qu'il avait empoché les 25 millions et se trouve aujourd'hui en programme de protection de témoins. » Il a marqué une pause avant de lâcher. « Oui, c'est bien le genre de choses qu'il pourrait faire. » Les amis pakistanais. La thèse d'un informateur spontané est en tout cas plausible. C'est par ce biais que la CIA a toujours fait ses grosses prises au Pakistan, comme Ramzi Youssef, le plastiqueur du World Trade Center dès les années 1990. Pour en avoir le cœur net, on peut se tourner vers celui qui est certainement le meilleur connaisseur de l'ISI dans le monde occidental, le chercheur allemand Hein Kissling, qui vient de publier une très informée « Histoire des services secrets pakistanais », d'une lecture indispensable à qui veut commencer à comprendre la complexité de ce service, particulièrement opaque. Presque personne au Pakistan n'a pu croire que l'ISI ne savait rien de la présence de Ben Laden à Abbottabad, ou que celui-ci n'aurait pu se soustraire à une capture pendant si longtemps s'il ne lui avait pas procuré cachette et protection. Il n'existe pas d'ISI dans l'ISI, ou d'ancien réseau capable de prendre en charge la protection de Ben Laden. On ne peut imaginer non plus qu'il soit resté avec sa famille 5 ans à Abbottabad, une ville de garnison, sans être découvert. L'ISI est responsable de la sécurité des villes de garnison. Même si l'ISI n'avait qu'une douzaine d'agents sur place, il devait forcément connaître la maison de Ben Laden. Dans un livre publié au Pakistan, le général de brigade en retraite Shaukat Kadir affirme que Ben Laden a été vendu, trahi pour de l'argent. Selon Kissling, Ben Laden était bien pris en charge par une unité très restreinte au sein de l'ISI, à l'insu de la plupart des responsables. Chaque service a un département pour les opérations spéciales, joliment dites de cap et d'épée, ou plutôt du poignard en anglais, cloak and dagger. Une cellule très restreinte, peut-être seulement 2 ou 3 hommes, voire un seul, a été créée au sein de ce département et chargée de la protection de Ben Laden et de sa famille. Aucun autre collaborateur de l'ISI n'était dans le secret. Kissling appuie également la thèse de l'informateur. L'auteur a entendu parler en divers endroits d'Islamabad et de Rawalpindi, d'un colonel de l'ISI qui aurait disparu aussitôt après Abbottabad et vivrait maintenant aux États-Unis. La trahison a peut-être été précipitée par la sensation que Ben Laden n'allait plus être dissimulé longtemps. Il y avait une prime de 25 millions de dollars américains, et l'une ou l'autre des personnes qui l'aidaient a pu être tentée. Comment expliquer enfin que les Pakistanais, alliés des États-Unis dans la guerre contre le terrorisme, et bénéficiaires chaque année de milliards de dollars d'aide militaire, aient joué ce jeu dangereux consistant à tenir Ben Laden à l'écart du monde? La source de Hirsch propose une explication. L'Arabie saoudite ne voulait pas que nous apprenions la présence de Ben Laden parce qu'il était lui-même saoudien. Elle avait donc demandé aux Pakistanais de le garder au secret. Les Saoudiens craignaient que si nous l'apprenions, nous ne fassions pression sur les Pakistanais pour faire parler Ben Laden et qu'ils nous révèlent les liens qu'ils entretenaient avec Al-Qaïda. Et ils donnaient de l'argent, beaucoup d'argent. Cette hypothèse, troublante, est plausible, mais impossible à recouper à ce stade. On sait en revanche que, contrairement à ce qu'ils ont toujours affirmé, les responsables militaires pakistanais ont bien été avertis du raid, ne serait-ce que quelques heures avant. Le journaliste pakistanais Amir Latif, correspondant du News and World Report, a ainsi rapporté sur le site spécialisé Global Post le témoignage concordant d'une demi-douzaine de voisins de la maison d'Abbottabad. Quelques heures avant le raid, des personnels de sécurité, des agents de l'ISI ou des militaires, sont venus frapper aux portes du quartier pour demander aux habitants d'éteindre leurs lumières et de rester chez eux. Ils leur ont également donné l'instruction de ne pas parler aux médias. Selon Hirsch, les Pakistanais ont bien ouvert leur espace aérien et retiré leur garde armée du site d'intervention. D'après lui, il était convenu que cette intervention en territoire pakistanais resterait secrète et que l'on annoncerait quelques jours plus tard la mort de Ben Laden d'une frappe de drone américain à la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Mais le crash du premier hélicoptère américain, que les forces spéciales décidèrent de détruire avant de repartir, changea la donne. Il n'était plus possible de garder secrète l'opération. Elle fut donc révélée quelques heures plus tard à la grande fureur et confusion des Pakistanais. Il est probable que les Américains ont surveillé le complexe d'Abbottabad à l'insu des services pakistanais, à qui ils avaient quelques raisons de ne pas faire confiance, puis les ont mis devant le fait accompli juste avant leur opération. Leur coopération in extremis aurait donc été arrachée aux responsables militaires pakistanais. Mais une fois l'intervention connue du monde entier, ils n'avaient plus le choix qu'entre paraître complices de l'opération, au risque d'enflammer les sympathisants d'Al-Qaïda, nombreux au Pakistan, ou plaider l'incompétence, ce qui fut fait en désespoir de cause. Peu après l'opération, le domaine d'Abbottabad a été entièrement rasé par l'armée pakistanaise et les femmes de Ben Laden renvoyées en Arabie saoudite. Il faudra sans doute plusieurs décennies avant de connaître la vérité, si tant est qu'on l'apprenne un jour tout entière. Tous les documents concernant l'affaire sont classifiés, peut-être pour une centaine d'années. Il reste encore bien des zones d'ombre, mais on discerne tout de même ce qui a pu se passer. La CIA n'a aucune raison d'admettre qu'elle a trouvé Ben Laden grâce à un observateur, ne serait-ce que pour protéger ce dernier et ne pas dissuader ceux qu'elle pourrait recruter à l'avenir. Évidemment, cela l'arrange aussi d'afficher une belle histoire valorisante. L'agence n'a pas non plus intérêt à reconnaître que Ben Laden n'avait plus de rôle opérationnel depuis des années et que, pour ce que l'on en sait, il était très malade. Quant à la Maison-Blanche, elle a encore moins de raisons d'admettre qu'elle a menti. Les États-Unis auront toujours besoin du concours de l'ISI dans leur lutte contre le terrorisme islamiste et il serait irresponsable de l'exposer encore plus à la vindicte populaire dans son pays. Pour douteuse que soit la fiabilité des militaires qui tiennent en réalité le Pakistan, derrière la façade des institutions démocratiques, l'Occident n'a d'autre choix que de coopérer avec eux, car ils sont les gardiens du plus important stock d'armes nucléaires de la région, dont on ne veut pas imaginer ce qu'il deviendrait s'il venait à tomber entre de mauvaises mains.